Fioretti ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 39. De la merveilleuse prédication que fit, dans un consistoire, saint Antoine de Padoue, religieux de l'ordre de saint François. Saint Antoine de Padoue, ce précieux vase d'élection, ce disciple choisi de saint François, qu'il appelait son vicaire, prêcha un jour dans un consistoire, en présence du pape et des cardinaux. Son auditoire était composé d'hommes de différentes nations, il y en avait de la Grèce, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la Sclavonie, de l'Angleterre et de diverses autres parties du monde. Et cependant il annonça la parole de Dieu avec tant d'efficacité, de ferveur, de talent, de douceur, de clarté et d'intelligence, que tous ceux qui l'écoutaient, de quelque contrée qu'ils fussent, entendirent aussi clairement tout ce qu'il disait, que s'il leur avait parlé à chacun la langue de leur pays. Ce prodige les remplissait d'étonnement. Il leur semblait voir se renouveler ce grand miracle autrefois opéré sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, dans ce jour où par la vertu de l'Esprit Saint, il leur était donné de parler toutes les langues, et ils se disaient les uns aux autres dans leur admiration, « Celui qui nous parle n'est-il pas espagnol ? D'où vient donc que chacun de nous l'entend parler sa propre langue ?» Le pape demeurait aussi frappé de la profondeur des paroles du saint prédicateur, et il s'écriait dans son ravissement, « Oui, vraiment, cet homme est l'arche du testament et le trésor de l'écriture divine. » Note. Saint Antoine de Padoue était portugais, d'une très noble famille de Lisbonne, il naquit en 1195, jeune encore. Il entra dans l'ordre des chanoines réguliers au couvent de Sainte-Croix de Coimbra, mais les reliques de cinq frères mineurs martyrisés au Maroc ayant été apportées à Sainte-Croix, il conçut dès lors le vif désir d'entrer dans l'ordre auquel appartenaient ces bienheureux martyrs. Lorsqu'il y eut été admis, il s'efforça de cacher les talents que Dieu lui avait donnés, mais on les découvrit, et saint François lui ordonna de s'appliquer à la théologie et ensuite à la prédication. Le saint frère obéit, et ses paroles produisirent des fruits de conversion merveilleux. Voyez Candide Chalip, livre 3e et 4e. Chapitre 40. Du miracle que Dieu fit par le moyen de saint Antoine, lorsque, pendant son séjour à Rimini, il prêcha les poissons de la mer. Le même fait, avec presque toutes ses circonstances, se trouve délicieusement raconté, en vieux style français, dans les chroniques des frères mineurs, livre 5e, chapitre 18. Monsieur Chavin de Malan rapporte ce passage dans son Histoire de saint François, chapitre 12. Le Christ béni voulant faire éclater la sainteté de son serviteur saint Antoine, et montrer avec quel respect on devait écouter ses prédications et suivre sa doctrine, se servit un jour d'animaux sans raison, de poissons, pour reprendre les hérétiques de leur fausse sagesse, comme autrefois, dans l'Ancien Testament, il s'était servi d'un âne pour confondre l'ignorance de Balaam. Dans le temps où la ville de Rimini se trouvait infestée d'une multitude d'hérétiques, saint Antoine entreprit de les ramener à la lumière de la vraie foi et dans les sentiers de la vertu, en leur expliquant, pendant plusieurs jours, les principes de la religion et les vérités de la Sainte Écriture. Mais, loin de se laisser convaincre par ses paroles, ses cœurs endurcis et obstinés dans l'erreur refusaient de l'écouter. Inspiré alors par un mouvement divin, le saint se rendit à l'embouchure de la rivière, près du bord de la mer, et là, il s'écria, Poisson de l'océan et de la rivière, écoutez, c'est à vous que je vais annoncer la parole de Dieu, puisque les hérétiques refusent de l'entendre. À ces mots, une multitude de poissons de toute grosseur se presse auprès de saint Antoine, et le nombre en était si considérable que jamais on n'en avait autant vu dans cet endroit. Tous, la tête hors de l'eau et tournée vers leur prédicateur, se tenaient paisiblement rangés en ordre. Les plus petits se trouvaient les plus rapprochés de la rive, ceux de moyenne grandeur se tenaient derrière eux, et les plus gros se trouvaient les derniers, à l'endroit le plus profond. Lorsqu'ils furent ainsi disposés, saint Antoine, d'une voix solennelle, leur adressa ces paroles. Poissons, mes petits frères, vous devez, autant qu'il est en vous, rendre grâce à notre Créateur des biens dont il vous a comblés. C'est à lui que vous devez le noble élément où il a fixé votre demeure, c'est lui qui vous donne, à votre choix, des eaux douces ou salées, c'est à lui que vous devez ces innombrables retraites où vous pouvez vous réfugier au moment de la tempête, et c'est de lui que vous avez reçu cet élément clair et transparent, avec toute la nourriture nécessaire à votre subsistance. Ce Dieu libéral et bienfaisant vous imposa, au jour de votre création, l'ordre de croître et de vous multiplier, et il vous donna sa bénédiction. Et puis, quand survint le déluge universel, tous les animaux périrent, et vous fûtes les seuls qu'il mit à l'abri de tout danger. Il vous a donné des nageoires au moyen desquelles vous pouvez courir où il vous plaît. C'est à vous qu'il a confié le soin de conserver le prophète Jonas, et, au bout de 3 jours, de le rendre sain et sauf. C'est vous encore qui avez fourni à notre Seigneur Jésus-Christ de quoi payer le sang, à ce Dieu, qui, semblable à un pauvre, n'avait alors rien à donner. Enfin, par un choix mystérieux, c'est vous encore qui avez servi de nourriture au Christ, au Roi éternel, avant et après sa résurrection. Au souvenir de ces bienfaits si multipliés et si précieux, louez donc et bénissez le Dieu de qui vous les tenez, vous êtes obligés plus que toutes autres créatures. En écoutant ces exhortations, les poissons ouvrent la bouche, inclinent la tête, et par leur attitude respectueuse, s'efforcent, autant qu'il est en eux, de rendre à Dieu leur tribut de louange. À cette vue, saint Antoine s'écrie, transporté de joie, béni soit le Dieu éternel, puisque des poissons lui rendent plus dommage que les hérétiques, et que des animaux sans raison écoutent sa parole avec plus de docilité que des hommes infidèles. Cependant la multitude des poissons augmentait à mesure que le saint leur parlait, et pas un d'eux ne quittait l'endroit où il s'était placé. Au bruit de ce prodige, toute la ville accourut, et les hérétiques, en présence d'un miracle aussi étonnant et aussi manifeste, se sentirent entièrement touchés, se jetèrent aux pieds du saint prédicateur et demandèrent à entendre ses instructions. Aussitôt, le saint se mit à leur prêcher avec tant de force que tous se convertirent et revinrent à la foi de Jésus-Christ, tandis que les fidèles, fortifiés eux-mêmes, demeurèrent remplis de la joie la plus vive. Alors saint Antoine congédia les poissons, en les bénissant au nom de Dieu, et la multitude se retira ravie du prodige éclatant dont elle venait d'être témoin. Après cela, le saint demeura plusieurs jours encore à Rimini, et il y produisit dans les âmes les fruits spirituels les plus abondants. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.